quien critica y murmura. Y el tiempo que tú has echado, que quien critica y murmura, bien lo podía emplear. Tiembla que es a la facha, que bien sucia la deja. Se lo cuenta la mi cara, que todo lo que yo hago, ay, que se lo cuenta la mi madre, que como si mi madre fuera, que con un cuchillo a matarme. Que mi carne no le doliera, mi carne no le doliera. Iré, iré contigo por donde me lleve, por cualquier camino. Iré contigo por donde me lleve, por cualquier camino. Iré contigo por donde me lleve, por cualquier camino. Iré contigo por donde me lleve, por cualquier camino. Iré contigo por donde me lleve, por cualquier camino. Iré contigo por donde me lleve, por cualquier camino. Bon, bah, l'émission commence pour le balcon d'Espagne. Je suis bien à Radio Arc-en-Ciel, 96.2 FM. La radio est faite par l'APF d'Orléans, par Jackie. Et ça continue pour de nouvelles chansons. Mouvez vos coups d'eau, à voix, jouant, tu bois de l'eau, à voix, vous mouillez bien la cabécha, et vous prenez un gant de toilette et vous mouillez la tête. Et restez à l'ombre parce qu'il fait très chaud dehors. Calor, mucho calor. Restez dehors, restez au frais, ça serait mieux. Allez, je continue l'émission. De mi consejo, no lloraría como tú lloras. Ay, lloraría como tú lloras. Ay, no te viera tan desengañadita, primita de tu persona. Tan desengañadita, primita de tu persona. Y yo te he visto en mi sueño, y te perdí, y te perdí, y te perdí, ay, amor. Ese mes se seca la saliva, lloro como un niño abandonado, pues tengo el corazón en carne viva, y lloro por tu amor desesperado. Te voy a comprar la luna majita, primita, si tú me la vendes. De mi sobrino, por ahí viene relinchando ya la sombra de los pinos. Por ahí de arribita viene el caballito de mi sobrino. Ay. que como el agua busca río, ay, y el río busca la mala. Ay, tú me tienes que buscar, ay, tú me tienes que buscar. Ay, como el agua busca río, ay, y el río busca la mala. Están los trillos primitivos en el seno, tú le bailas pa' un tango, tú le bailas pa' un tango. Ya te lo digo, permíteme a Dey Nazareno, baila por tango, baila por tango. Ya te lo digo, permíteme a Dey Nazareno, tú le baila por un tango, tú le baila por un tango. Ya te lo digo, permíteme a Dey Nazareno, baila por tango, baila por tango. Ya te lo digo, permíteme a Dey Nazareno, tú le baila por un tango, tú le baila por tango. Thank you. Bon, bah, vous êtes toujours sur Radio Arc-en-Ciel, 96.2 FM. L'émission est faite pour la PF d'Orléans, par Jackie, pour la Noche Flamenca. Et ça recontinue. Joint, bois un petit coup, un bois à voix, ça fait du bien pour la santé. Boire de l'eau, c'est très bon pour la santé. Ça rafraîchit. Et se mettre un sur la cabécha un petit torchon ou un gant de toilette pour se rafraîchir un peu. Voilà, restez au frais et ça serait très bien pour les personnes âgées. Bon, ben, je vous dis, ben, je continue l'émission, il n'y a pas de problème pour la Noche Flamenca. Olé, c'est parti! Bon, bah restez calés, vous êtes chez vous au frais peut-être, ou peut-être un peu au chaud. Bon, mais moi je suis toujours sur Radio Arc-en-Ciel, 96.2 FM, et l'émission est faite par l'APF d'Orléans, par Jackie, pour la note chef Manka. Et ça recontinue. Et si vous voulez vous réfléchir, vous prenez de l'eau à boire, buvez un grand verre, pas trop d'eau d'alcool, faut pas boire trop d'alcool, et mais de l'eau c'est très bon pour la santé. Et vous rafraîchissez avec un grand toilette sur la cabécha. Et il n'y a pas de problème, ça vous fait du bien de se rafraîchir. Bon, bah, l'émission recommence pour la noche. Et c'est reparti pour les nouvelles chansons. Olé! Yes, sir. Thank you. Bon, bah, vous êtes toujours sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. L'émission est faite par l'APF d'Orléans, par Jackie, pour la Noche Flamenca. Et buvez beaucoup d'eau pour se rafraîchir, parce qu'il fait très lourd dehors, et c'est pas cool de sortir dehors, restez au frais. Buvez un bon coup, et mouillez-vous la cabécha, avec à boire. Et ça repart pour de nouvelles chansons.

hablas con tu papá, porque no puedo dormir, pensando que ya me quiere, ¿cómo será para mí? Mira, desde no se cae, de que se ríe conmigo, sigue, él es que es un camelo, sigue, él es que es un camelo. Mira, desde no se cae, que se ríe conmigo, sigue, él es que es un camelo, sigue, él es que es un camelo. Mis caras. hablar a ti de bondad. Ay, porque tú tengas dinero, ay, ya no te tengo más. Ay, eso son cosas del rico, no hay uno. Ya tú no le pegues más ya a mi madre. Y calla por Dios, padre mío. Mira que si tú eres mi padre, ahí está, ahí la que me parió. Ay, yo no consiento. Bon, bah vous êtes toujours sur Radio Arc-en-Ciel, 96.2 FM. L'émission est faite par Jackie pour le Balcon d'Espagne, pour la Noche Flamenca. Il est toujours sur l'émission, il n'y a pas de problème. Si vous désirez danser la Sevillana, vous venez de 14h jusqu'à 17h, 108 Route de Bourgogne au 3e étage. Mais les cours reprennent à partir du mois de septembre. Ça n'empêche pas au mois de septembre vous faire inscrire si ça intéresse de danser la Sevillana. Voilà. Autrement, on fait la fête en fête, la place du Mar 3, le 9 septembre. On sera place du Mar 3 et vous venez vous faire inscrire à la place du Mar 3 pour la fête en fête. Voilà. Allez, bonne soirée. Autrement, ça continue encore pour l'émission. Bon, bah, l'émission se termine. Il est 20h. Je vais rendre directement l'émission. Va être le rendre l'émission. C'est toujours Voix Radio Arc-en-Ciel, 96.2. L'émission a été faite par Jackie pour la Noche Flamenca. Et il est 20h. Je laisse l'émission au sport. Bonne soirée, buenas noches. Et à lundi pour le balcon d'Espagne. Buenas noches. Et il tombe de l'eau là dehors, ça va faire du bien un peu d'eau. À voix, c'est bon. Allez, buenas noches et à lundi pour le balcon d'Espagne. Bon domingo aussi.